Encore un vieux matin où je veux tes nouvelles, je reste sans nouvelles. Je suis preneur si t'as de ces nouvelles. Et je recommence, je me dis cette fois-ci, mais pas de nouvelles. Encore un vieux matin où je veux tes nouvelles, je reste sans nouvelles. Je suis preneur si t'as de ces nouvelles. Et je recommence, je me dis cette fois-ci, mais pas de nouvelles.